Je reviens te chercher, je reviens te chercher. Bah bah la bah bah bah. Faut que je trouve une bonne réverbe. Mais allô, allô, allô, allô. Mix light. Allô, allô, allô. Room size, room size. Mais bien sûr, nous allons prier ce soir. Ah. Allô. Ah. Moi, j'aime chercher un rhum. Rhum orange. Un rhum orange. Add FX. Je reviens te chercher. Non, non, non, non, non. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Apple.